C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. C'est sûr de gagner. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit l'excellent et magnifique Maxime Lemieux-Ramé avec sa chronique Télécharge quoi? Et peut-être même un appel de notre correspondant Romain Villois. Assemblage requis! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Salut à vous les requins. Bah, je te le concède là. Continue. Non, mais t'es du côté du Francis Martin, là. Tiens ton bout de bâtard. Non, mais c'est toi qui arrête pas d'insister pour qu'on abandonne Francis Martin, puis là tu me demandes de continuer à appeler nos auditeurs les Francis Martin. Non, mais c'est parce que c'est moi qui ai débuté l'émission. Les jours où tu commenceras l'émission, on t'appellera les Francis Martin si tu veux. Non, Mathieu, je te le concède, là. T'as insisté pour que les auditeurs deviennent les requins, donc ça sera comme ça. On a fait voter 3 personnes, Adam. C'est ça, donc désolé à ceux qui ont appuyé les Francis Martin. Mais merci à Francis Martin aussi, d'ailleurs. Et que t'abandonnes vite, j'en reviens pas. À l'émission d'aujourd'hui, on va avoir Maxime Lemieux-Ramé, comme à tous les lundis, pour parler de ses découvertes musicales, de nouveautés CD et de plein de nouvelles musiques dans son blog Télécharge quoi. Oui, et c'est ça. Maxime s'en vient dans pas long. C'est ça. Je pourrais pas te confirmer, en fait, avec beaucoup de certitude si on va avoir notre chronique Drummondvilloise aujourd'hui. OK. Mais on va quand même avoir de l'excellente musique. Et on va avoir Maxime qui va être là bientôt, il s'en vient, dans quelques minutes. Est-ce qu'on a jamais parlé des secrétaires volantes encore? Hein? Non. Je pense qu'on va avoir une petite visite, un petit appel. Bon, donc on peut confirmer, là. Et je pense que oui. Alexandre Delage, vers 16h15, d'abord, va nous appeler. Il reste juste à voir s'il va nous appeler. Ben, en tout cas, c'est toi qui l'as dit. Ah ouais, ben ouais, c'est des suppositions, peut-être qu'il nous écoute. Là, il était comme en train de dire, arrêtez donc de parler en mal de moi comme si je n'allais pas vous appeler. T'sais. On parle pas en mal de lui, voyons. Bon. Commençons l'émission en musique avec un petit peu de Yes Ayer. On va l'entendre, leur extrait O.N.E. Et vous êtes à l'assemblage, OK. 89 FM, c'est fou. I'm Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, ils sont dans la glacière. Puis il me dit, hey là, viens t'en mon petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, je vois rien ici, mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai dit c'est nanan. Je me dis, hey là, ils vont tu me dire tout haut ce qui passe tout bas. Fait que je m'assois parce que j'ai une faim de loup. La waitress, ça me fait Dieu doux. Mais je check comme faux, pis je comprends pas. Elle a la face à Mandela, pis je me dis, hey là, tu penses quelque chose ici, on me le dit pas. Ben Laden mange des frites, il t'enchaîne sa Swift à l'eau bénite. Pendant que t'y Jésus, toi, y'a les fans. Mandela suçait sa graine, pis je me dis, hey là. Passe quelque chose et c'est moi que je m'en vais de là. Ça prend le blabla, faire un monde. Je me dis, hey là, ils vont poigner des gars, shooter dans le tas. J'aboutis, je toquais des brumes, moule bleu, ah, il me sert pas de la table. En haut du bar, je vois une pancarte. Vide la place avant que tu partes. Bernard Lamus, c'est cauchemar de course à Assemblage Rock. Oui, c'est un extrait du palmarès francophone et Bernard Adamus fait aussi partie ce soir de la première demi-finale des Francouvertes. Donc, les demi-finales sont commencées. Ça a lieu non pas une fois par semaine comme les rondes préliminaires, mais tout d'une shot. Donc, au début de la semaine, c'est lundi, aujourd'hui, mardi et mercredi, les 12, 13 et 14 avril. Et ce soir, c'est Bernard Adamus avec Caloun Saloun et Micro Armé. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Et demain soir, deuxième demi-finale, Louis-Philippe Robillard, Monogrenade, Violette Pie. Et ensuite, mercredi, l'Ours, Philémon Chante et Alex Nevsky. Parfait! Et je pensais que Michel Haut faisait partie des demi-finales, mais non, tu vois, finalement, elle n'en fait pas partie. On va juste écouter ça parce que c'est bon, hein? Oui, c'est bon. C'est un extrait aussi du palmarès francophone. Puis je l'avais pas vraiment écouté, en fait, cette pièce-là, avant le palmarès de la semaine dernière. Qui était excellent en passant. Le palmarès, bon, ouais. C'était un très bon palmarès pour vrai, Mathieu. Là. Mm-hmm. Ben, je l'aime bien de ces temps-ci. Moi. Ben, je dis ça pas mal tout le temps, mais ouais. Il me semble qu'en ce moment, là, pas mal bon. Mais je dirais même que l'animation était... Non, la musique. Non, mais attends un peu. Là. Je pense pas que c'est des fleurs que je te lance. J'allais dire que, pour une fois, l'animation était excellente la semaine dernière. Non, mais t'aurais pu dire, par contre, au moins depuis quelques temps, l'animateur parle pas beaucoup. Il laisse parler la musique. Hein? Il laisse parler la musique. C'est wow. Ça. C'est un peu ça. Ouais. Bref, on va entendre Michel Haut tout de suite. Oui, avec la pièce « Assis dans ma tête ». C'est toi qui as le papier. « Assise dans ma tête ». Assise. J'ai pas fait la... C'est une fille, hein, c'est pas... Voilà. Michel E. Oh. Oh, oui, pas O, oh, ouais. Oh, Michel E, oh. Ouais. Vous êtes Assemblage Requis au 89 FM, c'est fou. Yeah. dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. Elle est mystère et inconnue. Elle est maniaque à l'eau de rose, trop fanée pour se carrer son cul. Elle est comme une mouche qui pique, mais aussi douceur continue. Elle fait la parfaite symbiose entre épilée et velue. Pour comprendre notre panique, faites-vous donc un compte rendu. Combien y a-t-il de poupées roses dans votre industrie de poissons crus? Sushi par-ci, galop, plastique. Petites chances ont déjà vu. Avant de vous jeter dans la fosse, servez-nous dans votre grand cru. Araignée charognant. Femme poussant des cris aigus, tissant et piégeant tous ceux qui osent critiquer son contenu. Le terme que l'on applique, c'est artiste déchu. Il est rare que l'on arrose ça un rosier révolu. Pour comprendre notre panique, faites-vous donc un compte rendu. Combien y a-t-il de poupées roses dans votre industrie de poissons crus? Sushi par-ci, galop, plastique. Petites chances ont déjà vu. Avant de vous jeter dans la fosse, servez-nous dans votre grand cru. Un peu du sushi présentement, dans le fond, qui parle. Ouais, c'est vieux, hein, quand même. Oui, mais un très bon classique de Carquois. C'est drôle qu'étant donné que Carquois vient de sortir un album qui est tout récent, tout chaud, qu'on est, que moi, en tout cas, personnellement, j'écoute plusieurs fois par jour, à tous les jours. Puis là, aujourd'hui, on sort une vieille toune comme ça. Du poisson pourri, si on veut. Dans leur premier album, Le Pensionnat des Établis. j'avais amené pour le prêter à Maxime. Qui s'en vient dans les prochaines minutes. Ça a été récupéré au passage comme ça par une main agile de Mathieu Plante. Oh! Pour l'insérer dans l'émission. Je suis comme un ninja, c'est ça que tu veux dire? Houpa! Pareil. Houpa? C'est pas plus un bruit de fouette, ça? Houpa! Bon, n'importe quoi. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On profite de cette belle journée qui se continue, finalement. Hein? Hein? Ouais, c'est vrai, c'est une belle journée. c'est une journée. Aujourd'hui est un jour et demain en sera un autre. Uh-huh. Tout ça pour dire que Maxime Lemulaire-Amé s'en vient dans les prochaines minutes avec son blog Télécharge Quoi. Il va nous parler de nouvelles musiques. Il va nous parler aujourd'hui de Arcade Fire, Jamie Little et de Flaming Lips. That's true. Mais d'ici là, on a plein d'autres affaires à faire, dont aller écouter un petit peu de Los Campesinos. C'est la pièce qui est dans le palmarès anglophone. Elle s'appelle We've Got You Back. Oui, Los Campesinos vont être à Laval dimanche prochain. C'est une drôle d'endroit parce qu'ils font pas de spectacle ailleurs au Québec. Là. C'est pas sur leur chemin entre, je sais pas, Montréal et Saint-Jérôme. Non, ils ont une seule date, c'est à Laval. Et c'est dimanche prochain, c'est bizarre. Alors, je trouve qu'ils vont aller là juste pour pouvoir faire des jeux de mots. J'imagine. C'est la seule raison. Je connais tous les jeux de mots avec le nom de cette ville-là en français. Là. C'est ça. Voici donc Los Campesinos, c'est We've Got Your Back, Documented Minor Emotional Breakdown Number 2. Hein? On le dit au complet. C'est rare qu'on fait ça. Toilet walls, and I've learned from these words of yours. Your feelings. 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez. Vous écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. Sit back, relax. Toto, favorite lazy boy recliner chair. Moose, fix it back. Just to put the bounce. That's all I bet you. Prime left over, she deft on back down fuck a burn act. Sur le catwalk, text my laptop. La nuit est calme, faut j'en presse les dames avec ma lazy walk, lazy boy, j'm'enjoy. Une bonne petite drink, say you know I'm enjoy. All inclusive, non intrusive. Jose, Jose, Jose, Jose. Cracking down the chaise, on the sortie de la maze. Belle smile, belle plume, dit centre laise. Dear quest tu veux, sick tu veux. Security est clear, this a touch of pay. Rolling belle smile, belle plume, sans balai. Lagos, Porto, I'm a fly away. 33 journées, y'a pas codé. Ellie's man, you stole me. Only can't get on my shades, can't get on my shades. You know me, you stick to the man on the face. Only can't get on my shades, can't get on my shades. You're looking for the karma, you're the money to play. Only can't get on my shades, can't get on my shades. You know me, you stick to the man on the face. Only can't get on my shades, can't get on my shades. You're looking for the karma, you're the money to play. Jose, Jose, Jose, Jose. Only can't get on my shades, can't get on my shades. So you said simulize it, boy. Only can't get on my shades, can't get on my shades. Jose, Jose, Jose, Jose. Can't get on my shades, le gars est à l'aise. Le feu qui brasse, il check out la braise. Les temps s'en vont, super duper bon. Can't get on my shades, super duper freaky bon. C'est le two step front, le one step back. Shake ton juice with it out, relax. C'est le two step front, le one step back. Shake ton cheese with it out, relax. Dinner in the sun, say it bonny day. Y'a de la place sur le couch, petit test de lait. Jose, Jose, Jose, Jose. Il faut des mal de mal, petit test de lait. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. Jose, Jose, Jose, Jose. Only can't get on my shades, can't get on my shades. Only can't get on my shades, can't get on my shades. Only can't get on my shades, can't get on my shades. So you sit some more lazy, boy. Only can't get on my shades, can't get on my shades. Jose, Jose, Jose, Jose. Only can't get on my shades, can't get on my shades. So you sit some more lazy, boy. Only can't get on my shades, can't get on my shades. Jose, Jose, Jose, Jose. T'as pas pensé à faire ça par message texte ou par fax? Ouais. Non, non. On va discuter d'autres choses. On parlera pas de ça. On vient d'entendre Radio Radio avec la pièce « Cargué dans ma chaise ». Oh yeah! C'est toujours à l'émission Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et on, comme vous avez entendu, probablement, la charmante voix de Maxime, on l'accueille tout de suite pour sa chronique « Télécharge quoi ». Salut. Allô? Salut. Est-ce que vous êtes vu... T'es pressé, toi, à parler. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes vu à TVA la semaine dernière? Non, non, non. On a essayé d'aller voir sur le site Internet, puis... Ouais, ça marchait pas. Ça marchait pas même. Aussi, on m'a dit qu'on avait passé, mais j'ai pas réussi à nous voir. Non. Je pense que ça aurait été ma première fois à TVA. À TVA. Pas juste à TV, là, à TVA. Ouais, à TVA. T'es précis. Apparemment qu'on voyait plus Kiwan. Ah ouais? Ah, eh ben. Super. En tout cas. Peu importe, là, mais on le poster arrivé. Boy. Je prends plus de place aussi. Aïe, aïe. Ouais. Ouais, alors aujourd'hui, trois découvertes, qui sont plus ou moins des découvertes, mais au moins des pièces à découvrir. De musique, la si musique à découvrir. Alors, c'est ça, je commence tout de suite avec Arcade Fire. Arcade Fire seront à Oshiaga fin juillet, début août. Je pense qu'ils vont être là le 31 juillet, en fait. Et puis, c'est une pièce que j'ai trouvée un peu par hasard sur Internet, qui était la bande sonore du trailer. Bande-annonce. La bande-annonce du DVD Miroir Noir de Arcade Fire, ah, qui était un style documentaire, là, mais je vous en avais parlé avec Vincent Moon, là, ce Français-là qui fait les concerts à emporter. Ouais. Alors, c'est lui qui a réalisé... Pour la Blogothèque. Oui, la Blogothèque. Alors, c'est lui qui a réalisé le documentaire, mais c'est plus ou moins un documentaire. Là, en fait, il n'y a aucune entrevue avec Arcade Fire. C'est vraiment... c'est un documentaire artistique, si je peux me permettre, mais c'était... Pour leur dernier album, que je me souviens plus le nom, c'est Neon Bible. Neon Bible, c'est ça. Et puis, c'est un peu un behind the scenes, mm-hmm, Neon Bible. Et puis, c'est ça. Alors, la pièce s'appelle Cold Wind. J'ai réussi à la trouver sur iTunes. En fait, c'est elle est sur la bande sonore de la saison 2 de la télésérie Six Feet Under. D'accord. Alors, on peut la télécharger sur iTunes, mais j'ai réussi à la trouver aussi gratuitement sur Internet. Genre, sur un moteur de recherche, j'ai inscrit Cold Wind, Arcade Fire. OK, ta collègue s'appelle Télécharge quoi, mais là, tu dis littéralement aux gens comment aller télécharger illégalement une pièce. T'sais. Ben, est-ce que c'est illégalement? C'est un site Internet qui avait... Ben, je sais pas. Ben, sûrement que c'est illégalement. Mais en fait, moi, c'est parce que la bande, vous voulez, la bande sonore de Six Feet Under, ça m'intéressait plus ou moins. Ben, il me semble, c'est la deuxième saison, tu disais. Ouais. Donc, c'est pas récent du tout. C'est ça? Ben, en fait, je m'y connais pas en Six Feet Under. C'est longtemps, toi, ça me semble. Ah ouais? Ouais. Deuxième saison. Ça fait combien de temps? Ben, en fait, de même, je pourrais pas te dire, mais il me semble genre la série 5 ans est finie. Ou 2 ans? Ben, je peux chercher si tu parles. Ah ben peu importe. Mais en fait, c'est une chanson qui devrait pas se retrouver sur le prochain album. Là. Ben, c'est ça que je me demande, en fait, parce que... T'es pas sur aucun des deux précédents, ni sur le démo. Mais bon. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il sort, là, le prochain? Ben, non, on le sait pas exactement. Pas défini encore, j'essaie de chercher. Je sais que ça va être avant Oshiaga. Mais je me demande si je l'ai déjà su. Il y a tellement d'artistes qui vont sortir des albums prochainement que je suis plus certain. J'ai fait une recherche tantôt, puis j'ai pas trouvé Arcade Fire quand est-ce qu'il sortait l'album. Là. La saison 2 date de 2002. Ah ouais. Fait que c'est une vieille... Ça, je peux pas. 2002, la saison 2. On connaissait Arcade Fire en 2002? En tout cas, c'est une bonne pièce, c'est ça l'important. Ben oui. Puis, c'est ça, elle est sur Internet, sur iTunes. Alors, ça s'appelle Cold Wind. Vous allez voir, c'est excellent. Du Arcade Fire, excellent comme d'habitude. On écoute ça tout de suite. Dans l'assemblage requis, c'est le bloc Télécharge quoi de Maxime Lemieux-Laran. Je te suis rassuré en disant que le volume 2 de Six Feet Under, le CD, c'est sorti juste en 2005. Ouais, c'est au moins. Hein. 2002, j'aurais eu peur. Ouais. 2002, je sais même pas si j'étais né en 2002. Alors, c'était Arcade Fire, la pièce Cold Wind, qui est sur aucun album d'Arcade Fire. Alors, je me disais que c'était peut-être un futur extrait du prochain album qui sort cet été. Bientôt. On n'a pas de date, hein? Mais étant donné qu'ils vont être à peu près de tous les gros festivals cet été, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. Ça va être avant l'été, c'est sûr. Ils sont toujours mystérieux dans tout ce qu'ils font. Là, puis ça m'étonnerait qu'il y ait un extrait qui sorte avant la sortie de l'album. Là. Ils sont comme ça, Arcade Fire. Ils ont des secrets. Ouais. Ils sont dans leur église. Ils composent. Alors, deuxième artiste que je veux faire découvrir... À Télécharge quoi, il sera aussi à Oceaga, c'est Jamie Liddell. Alors, on a reçu récemment le CD Jim qui date de 2008 ici. Et ça m'avait tout mélangé, fourvoyé dans la sortie. Mais Come Pass, le futur album de Jamie Liddell, sort le 18 mai. Alors, artiste d'Angleterre, moi je l'avais vu pas au dernier Oceaga, Oceaga de 2008. Et c'était vraiment, vraiment bon. C'est quand même jazz, soul. Puis il y avait tout son band avec lui qui était... Son band était déguisé de façon très excentrique. Là. Je pense qu'il y en avait un en robe de chambre, entre autres. Là. C'était vraiment écœurant. Cool. Puis il y avait un saxophoniste, ça? Ça, je trouve ça cool, un saxophoniste. OK, bon ben. Fait que Jamie Liddell, on écoute la pièce The Ring qui va être sur le futur album Compass, 18 mai. On écoute encore Télécharge quoi? Y a-t-il d'autres sortes de musiciens qui t'impressionnent comme ça dans la vie? Xylophone, quelque chose? Non. Saxophoniste, là, c'est le king. Non? Ouais, ouais. Tu trouves pas? Ouais, ouais. T'es pas d'accord avec moi? Ouais, ouais. Comment? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pas pire. Ah, relax. T'as pas prétendu que ça parte, hein, ça? MySpace. Always thought you'd stick around. Always thought you'd stay. Now he's searching for the rain. But once you had to throw away, fate's coming past the shadow. No one gets his pay. Never thought to cut it since this love over this pain. She left him in this grave. Dream love. a gleam inside, but a minstrel whistles out. Cause she is just a dreamer, she was just a dream. He is just a dreamer, and she was just a dream. She is just a dream, he is just a dreamer. T'as envie, tu veux tout écouter. Mais il y a trop de tout. C'était Jamie Liddell avec la pièce The Ring qui sera sur le futur album Compass, 18 mai. Trop d'albums. Ouais. Écoutez dans la vie. Trop. C'est fou. Ouais. Trop de talk shows, trop d'albums, trop de téléséries aussi. Ouais. Trop de films. Alors, dernier artiste, ou plutôt dernier CD dont je voulais parler. En fin de semaine, je suis allé voir un hommage à Pink Floyd. Je sais pas si vous tripez Pink Floyd. Pas vraiment, non. Tu connais-tu un peu? Ben, un petit peu, mais tu sais, la base. OK. Parce que moi, en fait, l'album Dark Side of the Moon, j'ai découvert peut-être quand j'avais 15-16 ans. Puis c'est vraiment comme en 82. Ouais, c'est ça. J'ai 42 ans. Non, fait que c'est ça. Ça fait quand même peut-être une dizaine d'années que j'ai découvert Pink Floyd avec l'album Dark Side of the Moon. Puis c'est vraiment... ça m'a quand même marqué, ça. T'sais, c'est un album qui, en fait, qu'il faut que tu écoutes du début jusqu'à la fin. Puis tout est bon. Tout est excellent. Puis c'est ça, en fin de semaine, je suis allé voir un hommage à Pink Floyd. Et puis Dark Side of the Moon a pratiquement été joué du début jusqu'à la fin. C'était aussi excellent. Et puis je savais que Flaming Lips, groupe américain, avait fait... faisait un spectacle cover de l'album Dark Side of the Moon, du début jusqu'à la fin. Alors j'étais allé voir sur iTunes. Et puis c'est disponible... c'est possible de se procurer l'album cover de Flaming Lips, de Dark Side of the Moon. Alors ce matin, j'ai téléchargé ça sur iTunes. J'ai écouté le CD du début jusqu'à la fin. C'est vraiment... Tu sais, il s'approprie vraiment l'album, là. Et, je veux dire, c'est pas un cover tel quel. Mm-hmm. Ouais, parce que normalement, tu sais, les groupes qui font des hommages, justement, s'arrangent pour que ce soit hyper fidèle. Ouais, c'est ça. Alors que Flaming Lips, ça dépend d'une pièce à l'autre, là, mais il y a des pièces qui ressemblent pas du tout, là. Puis, sans rentrer dans les détails, là, mais il y a beaucoup d'arrangements qui sont modifiés. Puis ça, je trouve ça cool parce que ça donne la touche Flaming Lips sur l'album Dark Side of the Moon. Personnellement, si j'avais un band, j'oserais peut-être pas faire ça avec un album si mythique et légendaire, qui doit être un des grands albums de tous les temps de rock, en tout cas. Tu dois attirer des critiques pas mal en faisant ça, des comparaisons. Ouais, c'est ça, exactement. Là, c'était sûr qu'il allait avoir... En même temps, le projet est déjà ambitieux de refaire un album au complet. Normalement, les groupes, quand ils font un cover, font une pièce. Ouais, c'est ça. Donc, déjà décidé de faire un album au complet. Dans le fond, c'est bien qu'ils prennent un aussi grand album parce que, tu sais, quand tu as le projet de refaire un album au complet, t'es pas pour prendre n'importe quel non plus. C'est tellement spécial, je trouve, comme projet. Exact. Puis, je trouve ça cool aussi qu'on puisse se le procurer, l'écouter. Je sais qu'il y avait un spectacle qui était. Tu sais, c'était vraiment pour un spectacle. Ils vont être à Bonnaroo. Et puis, ils vont être à Montréal aussi pour faire ce cover-là. Ils vont être au Metropolis le 7 juillet. Alors, Flaming Lips. Il y a un spectacle spécial pour cet album-là. Exactement. Alors, c'est Flaming Lips qui fait le cover de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. On va aller écouter la pièce Eclipse qui conclut l'album Dark Side of the Moon. Mais là, c'est Flaming Lips et non Pink Floyd qui joue. Alors, on écoute ça tout de suite. Télécharge quoi? Assemblage requis. Pink Floyd. Flaming Lips, Dark Side of the Moon. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on va commencer à appeler ça des couvertes à la place des covers. Des couvertes. All you create, and all you destroy, There's no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark. En tout cas, son petit cœur est bas fort, hein? Ouais. Alors, c'était Flaming Lips avec Eclipse de l'album Dark Side of the Moon. Une douillette de Pink Floyd. Ouais, douillette de Pink Floyd. Ou un jeton, jeté molletonné. Ouais, je pense. Mathieu qui essaie de trouver des équivalents en français pour. Je suis le même, moi. Nos termes anglophones. Alors, c'est pas mal tout pour moi. Ben, pour moi, je veux dire, dans ma chronique télécharge. Ouais, ouais. Ouais, tu vas pas être tué après. Non, je meurs pas. Okay. Et tu vas revenir lundi prochain aussi. Lundi prochain, ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Puis on va se voir aussi à Chérie, m'écoutes-tu avant oui. 19 avril. Je vais être là moi aussi, tu peux me regarder aussi. Toi aussi, Mathieu, tu vas être là? Ben oui. Je pensais qu'il fallait que tu travailles, toi, jusqu'à 3 heures. Je sais pas. Super. Alors, à la semaine prochaine. Les garçons. Ouais. Vieux? Vieux pirate. Vieux pirate! Ouais, ouais, ouais. Cœur de pinot. Cœur de pinot. Non. Bah. Sébastien Dulude, ouais. Disait cœur de patate. Cœur de patate? Ouais. Non, mais il y a Lady Patate. Faut pas mélanger les affaires. Lady Patate. Puis cœur de pinot. Des blagues de personnages de si fous que personne comprend autre que nous autres. J'aime ça de même. Hein. Ouais. Bref, on te remercie. Hein, après ton thème, ça comme fait plaisir. Ça, c'est sympathique. Ouais. Adieu. Allez, ours! Et on retourne en musique tout de suite avec. Hot Chip, la pièce Hallicats. Des croustilles chaudes. Restez là parce que dans une vingtaine de minutes environ, hein, Alexandre Delage devrait nous téléphoner pour nous faire revivre des vieux moments qu'on avait oubliés. Ah! Avec des vieux hits sortis du garde-robe. Du garde-robe! C'est du Ricky Martin qui va nous amener aujourd'hui. Hein? Ah, on sait pas. Vous êtes à Assemblage Rocky. Au 89 FM. Rally cats, we have an unhappy cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Heads like ants, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps. When we lie alone, wear each other's heads like hats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps, and we die alone. Inside a blanket in bed, planted like the crocuses. In the song my mother said, she wanted us to sing. We sleep inside a blanket in bed, planted like the crocuses. And I wish my mother could see the ring I got. Tu m'en reparleras. Allez, Cats de Hot Chip dans Assemblage Requis. Et c'est la fin de la première heure de cette première émission de l'avant-dernière semaine d'Assemblage Requis. Il existe sûrement un mot pour ça, là, pour décrire. Sophie n'a inventé un tantôt, je l'ai pas retenu, par exemple. Antépénultime. Mais ouais. C'était pas pour la situation dans laquelle on est. C'était elle, son avant-avant-dernière. Il existe sûrement un autre mot là, pour décrire exactement le rang de l'émission qu'on fait aujourd'hui. C'est sûrement hanté, pénultime. Un peu comme un arrière-arrière-arrière-grand-père. Ouais. Non, mais il doit y avoir un mot, là. Ou on pourrait juste dire merci d'écouter Assemblage Requis. On se retrouve pour une deuxième heure tantôt. Restez là. Restez. Tout simplement. C'est juste comme ça. Restez là, s'il vous plaît. Ah, t'es poli en plus, toi. Oh, wow. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. C'est votre émission du retour en pièces détachées. Oui, on va parler avec Alexandre Delage tantôt dans une quinzaine de minutes pour qu'il nous ressort ses vieux hits des Boulamites. Aujourd'hui, je crois qu'il parle de Me, Mom and Morgan Taylor et de Les Secrétaires Volantes. Donc, ça va être plutôt punk rock ou en tout cas, ça va être assez rock cette semaine. Je sais pas, en même temps, souvent, il ressort des vieux trucs qu'on a volontairement voulu oublier. Mais des fois c'est intéressant. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, c'est ça? Non, mais des fois, la musique est... Des fois, la musique est discutable. On verra. Hey, c'est The Stills. Voici I'm With You à Assemblage Requis. The timing is right and the light is soft. We've come from far and we came. up early. Tip of my hairs, tickles my brain. I stay close here and there. Inside my head, now my thoughts become curly. I think I must wake up early. Bonne nuit mon cœur de Waving Hands à Assemblage Requis, c'est sur la hit parade francophone de C'est fou, ça c'est diffusé le jeudi entre 13h et 15h. Oui, et c'est vendredi de cette semaine, hein, la 6e édition des Feux de forêt dans le désert avec entre autres Waving Hands et Torn Gat aussi et The Intensive Care. Donc c'est à la Galerie d'art L'Appart ici à Trois-Rivières sur la rue Saint-Antoine, c'est vendredi qui s'en vient le 16 avril. Apparemment que tu en parles à chaque fois qu'on joue du Waving Hands, hein, mais j'avais comme pas retenu ça moi. Là, je sais que je vais y aller. Puis tu le retiendras pas plus, j'imagine. Demain, tu t'en souviendras plus. Tu vas me le rappeler? Ben oui. D'accord. T'es fin. On va retourner en musique tout de suite en attendant Alexandre Delage qui va faire sa chronique sortie des boules à mythes dans les prochaines minutes. On va aller entendre un petit peu de Set the Whale avec leur succès Camillo the Magician. Assemblage requis. About the difference between real and show. écoutez, s'il vous plaît. Deux portes de cigarettes dans un café, quoi, Marianne et Marquette. Pourtant c'est facile, j'ai juste à oublier tout le monde. Me foutre de tout, me foutre de toi, courir droit devant moi. Ah, qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues les papillons. Qu'est-ce qui t'arrive? On mange souvent, pour souper on mange du ciment. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos chambres fermées comme des cales de navire, perdus comme des cochons, tirelés, des éraflés du siècle en devenir. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues. Qu'est-ce qui t'est arrivé au matin qui sentait bon les soupes de bonheur, les génies, les grandes idées? J'suis-tu juste un autre de ces petits losers? Non, t'es juste un petit peu trop heureux. Je suis juste un autre de ces petits peureux. Non, t'es juste un petit peu trop malheureux. On vient d'entendre le Husky avec la pièce Le Dialogue, c'est bien ça? Oui. Un extrait de son prochain album qui s'appelle La Fuite, qui va sortir le 20 avril prochain. Et ça, c'est une collaboration avec Fanny Bloom de La Pâte à Rose. Et d'ailleurs, tantôt, Maxime, quand il était ici, a porté à mon attention que si vous allez sur le site internet du Husky, lehusky.com, vous pouvez télécharger gratuitement le premier démo, celui que je trouve le plus chouette, avec un son un petit peu plus rough. Ouais, vraiment très bon. Il y a 6 pièces là-dessus. Sur le démo du Husky. Lehusky.com, tu disais. Exactement. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Maintenant, c'est le moment de recevoir notre correspondant drummondvillois, Alexandre Delage, qui a, ma foi, une nouvelle intro. J'ai presque pas de poils. 14. J'ai 14 poils. 14 poils? Même Fabrice en a plus que moi. Ça se peut pas qu'il y ait déjà tout ce poil-là autour du Billy Bob. Et moi, j'ai presque rien. T'as la région sauvage désertique. J'ai la zone centrale inoccupée. T'as la cour de récréation complètement vide. J'ai le contour du bâton chauve comme un œuf. J'avais pas pensé que Simon a pas encore de poils aux aisies. T'es le seul joueur de la ligue qui marque plus de buts que de poils dans le jackstrap. Alors, ce sera probablement pas l'intro régulière qu'on entendra à chaque fois, mais c'est un montage qui a été fait par Alex, qui est au bout du fil présentement. Salut, Alex. Salut, les gars. Ça va bien? Mais oui, vous autres. Oui. Excellent travail, en passant. Ouais, ceux qui aiment pas Ramdam, ben, j'espère que vous savez pourquoi le monde dans la vingtaine écoute Ramdam. C'est pour des épisodes délectables comme ça. Mm-hmm. Comment il s'appelle ton épisode que t'as monté là, hein? C'est À vos poils, douche. Et puis, je dois dire que c'est une suggestion du Lutinka. Qu'on salue. T'sais, le montage est bon, mais quand même, il faut dire qu'eux-mêmes, là, la version originale de l'émission, ils ont quand même mis pas mal de... Ils ont ouvert une porte là, à ce qu'on en rit de cet épisode-là quand même. Là. Ouais, mais tu sais, c'est quand même... Bon, écoute, ça traite d'un sujet là, qui doit être, je sais pas, inquiétant pour les jeunes. Là, j'ai pas de poils. Là, bon, j'ai pris les meilleurs bouts pour faire un petit montage. Oh, meilleurs bouts! Ah! La porte est grande ouverte pour ça, alors. Ouais, ouais. Alors, de quoi on parle aujourd'hui dans les Boulamites? Ben, comme d'habitude, je vais chercher des trucs dans les Boulamites, et puis là, je suis allé fouiller dans les Boulamites québécoises. OK. Avec un groupe qu'on entend quand même encore parler pas mal aujourd'hui, Me, Mom and Morgan Taylor. Surtout à cause, là, bon, de Kim Bingham qui était dans le groupe jadis, mais moi, j'avais jamais vraiment entendu de Me, Mom avant cette année. OK. J'ai vu que j'en entendais parler beaucoup, je me suis dit, bon, ben, hein, je vais aller fouiller là-dedans. Il y a la pièce Oh Well qu'on voyait souvent en vidéoclip, mais là, j'ai choisi la pièce Jacqueline cette semaine parce que je la trouve meilleure. Mais l'album est vraiment très, très bon. J'avoue que moi aussi, du Me, Mom and Morgan Taylor, avant d'entendre parler de Kim Bingham, là, qui a fait des trucs solo récemment, qui a fait entre autres la musique de la série Les Invincibles, ben oui. Avant ça, j'avais jamais entendu parler de Me, Mom and Morgan Taylor, probablement parce que je suis trop jeune, ou je sais pas pourquoi au juste. Mais c'est genre d'en entendre, en fait, cette pièce-là de Mimo. Ouais, quand je suis allé voir le vidéoclip, là, j'ai fait « Ah oui, le vidéoclip m'est revenu en tête, mais sinon, non, ça avait complètement passé là, inaperçu dans le temps. » Mais écoute, ça fait longtemps, l'album Shiva Space Machine, qui est leur dernier, dans le fond, a sorti en 93. Et ouais, ça fait un bout. Ça fait un bon petit bout. Puis sinon, j'ai un groupe de Québec, Les Secrétaires Volantes. Ça, j'aimerais ça remercier Raymond et sa coloc, Karine, ils m'ont trouvé cet album-là, je cherche ça depuis des années. Et eux aussi ont un clip qui s'est quand même démarqué. Moi, quand tu m'as parlé de ce groupe-là, je suis allé voir sur YouTube. Et justement, ils ont un clip que j'avais déjà vu dans ma jeunesse. Ouais, c'est le clip pour Filles ou garçons. Puis si vous voulez une tranche de vie, dans la pièce, à la fin, ils disent « Filles ou garçons, le mystère s'épaissit ». Puis à chaque fois que je vois une fille ou un garçon ou quelque chose que je suis pas sûr, je dis tout le temps ça. Puis ça remonte à la pièce, mais j'ai écouté l'album pour la première fois cette année. Là. Wow! C'est un album qui était influent, dans le fond, dans le punk garage québécois. Moi, j'ai bien aimé l'album aussi. Il est sorti en 93 aussi, c'est l'album Méconium. Puis ils ont sorti en 97 Thermoplastique. OK, ouais, je pense que c'est plus cet album-là, moi, que j'ai connu. Thermoplastique. C'est quoi ça? Il y avait un clip hein, pour Thermoplastique. Ouais. C'est ce clip-là, je pense, dont je me souvenais, qui était comme des savants qui faisaient des expériences qui tournaient mal, là, quelque chose du genre. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. Bon. Donc, c'est mes deux choix. On commence avec Me, Mom and Morgan Taylor. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Puis j'aimerais ajouter que si les auditeurs ont des idées de boulamites, envoyez ça soit à l'adresse courriel d'Assemblage Requis ou au Lutin de l'Enfer. Et puis, qui sait, ils vont peut-être se retrouver à l'émission. Ben parfait. Merci beaucoup. Et on te rappelle qu'il y a deux Ramdam par soir à Télé-Québec en ce moment, donc garde-toi. Oui, continue okay. À en passer, c'est cool. Ils sont sortis en DVD aussi. Oui, mais que les meilleurs épisodes, là. Ah ouais, c'est vrai. C'est que si je veux écouter la saison complète, faut que je l'écoute à Radio-Québec. C'est ça. Bon, mais merci beaucoup, Alex. Ça me fait plaisir. Ah, dans deux semaines, finalement. À bientôt, finalement. À bientôt. Pas vraiment de délai, hein. C'est juste bientôt dans le futur, plus ou moins la prochaine. Merci Alex, salut. Et on rappelle que Les Lutins de l'Enfer, c'est diffusé les vendredis soirs à 20h ici à C'est Fou. On écoute Me, Mom and Morgan Taylor tout de suite à Assemblage Requis. Avec la pièce Jacqueline. my chain. Chains are full of pain. February by Phoebe. Patrick couldn't even see me. March, march, forward march. April walked all over me. May may have saved my life, but June wanted to be my wife. But the November breeze brought December to its knees. That's when I met Jacqueline, who was so goddamn clean. Didn't know the last thing about no downtown scene. Garçon. Ou garçon. C'est fou ça. Musicien. 80. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou. 89.1. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage, Rocky. Nous ne sommes que de pauvres animateurs. Ah oh! Hey, c'est un beau rappel que tu fais là, Kiwan. Quand même que tu l'as l'affaire, toi. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis sur les ondes de C'est fou en compagnie de Kiwan et Mathieu. Oui. D'ici la fin de l'émission, pas mal de la bonne musique, je vous dirais. Dont Valence Perrietaire qu'on écoute à l'instant. Voici Givas. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. sauter des clôtures. Fais tomber des murs du bout de nos doigts. On a touché la nature, respiré l'air pur et trouvé la foi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté pour rien. Remis l'ordre à sa place, c'est tout ce dont il a besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. Machine est la pièce titre de leur album Défilé Rite, c'est sur le palmarès francophone de C'est Fou. Et vous, vous êtes à Assemblage Requis. Et c'est lundi aujourd'hui, donc on parle un peu, comme tous les lundis, de ce qui se passe côté talk show, plutôt côté performance musicale dans les talk shows américains. Talk show. Semaine. Les shows, les spectacles, les émissions de variété de fin de soirée. C'est ça. Oh, c'est bien dit, ça, j'aime ça. Bien traduit. Commençons par aujourd'hui, lundi 12 avril, à David Letterman sur CBS, il y a Spoon. À Jimmy Kimmel, Them Crooked Vultures. Et à Carson Daly, Grizzly Bear. Donc, les heures, ben, c'est minuit pour Jimmy Kimmel sur ABC. Et Carson Daly, c'est à 1h30 du matin sur NBC. Ouais. Demain mardi, 13 avril, sur David Letterman, ou à côté d'eux, plus, Lady Antebellum. Et la raison que j'en parle, ce qui est surprenant, c'est que je vois rarement un invité musical qui est à deux talk shows à la même heure, en même temps. Donc, Lady Antebellum est à David Letterman et à Jay Leno exactement à la même heure, en fin d'émission. C'est spécial. Donc, on... Non, mais c'est parce qu'il y a une émission qui est en rediffusion, c'est ça? C'est non, les deux sont... oui, il y en a une qui est en rediffusion, t'as raison, David Letterman, ouais, mais drôle d'adon quand même. Ouais. Et puis à Jimmy Kimmel, Them Crooked Vultures, qui était donc aussi lundi à Jimmy Kimmel. Wow, à Jimmy Kimmel. Ils sont là deux soirs de suite, lundi et mardi. Étrange. Mercredi, pas vraiment grand-chose qui est dans notre veine musicale. Jeudi, 15 avril, Spoon à Jimmy Kimmel et She and Him avec Zooey Deschanel à Carson Daly. Ça va être pas mal bon à regarder. Et puis, Et vendredi, ben, pour terminer la semaine. Entendre aussi, là, pas juste à regarder. Oui, c'est bon, She and Him. Vendredi 16 avril, Jimmy Fallon, The Flaming Lips, que Maxime nous faisait entendre un petit peu plus tôt dans l'émission. Et Carson Daly a The XX comme invité musical. Donc, belle petite soirée vendredi. Et puis, finalement, sur NBC, samedi soir à Saturday Night Live, l'invité musical cette semaine, c'est Kesha. Fait que, on peut sauter ça. Hein? Tu veux pas être trop stressé. Là. C'est la pièce de TikTok. Là. En tout cas. Ah, non, t'es mieux de pas savoir. C'est pas dans les palmarès, c'est fou? Pas tellement. Ah. Pas tellement. Bref, voilà pour les talk shows et les invités musicaux qui vont se dérouler pendant les prochains jours ou cette semaine. Alors, on va d'ailleurs écouter un de ces extraits-là. On va entendre un petit peu de Grizzly Bear avec la pièce « Two Weeks ». Pourquoi pas? Miam. Miam. Ça a l'air délicieux, tout ça. Caroline. Tu me donnes des envies, ça, là. Hein? De manger du chocolat. Okay. Des œufs de tu sais, avec de la petite crème dedans puis du jaune dans le milieu. Ouais, c'est la période pour ça, là. Ah, c'est bon, j'en mange au moins trop. Au moins. pas sûr. She and Him avec In the Sun à Assemblage Requis. On rappelle les dates des talk shows parce que c'est la raison qu'on en passe. Hein. C'était justement qu'on parlait de ça. Donc, on a commencé avec Grizzly Bear. Eux, ils vont être à Carson Daly. C'est ce soir, lundi 12 avril, à 1h35 sur NBC. Et puis, on a entendu She and Him. Et ils sont aussi à Carson Daly, mais c'est jeudi soir. Parfait, merci. Ou vendredi Mathieu. Matin. Hey, tantôt, Maxime, quand il était avec nous, il nous a présenté, entre autres, aujourd'hui, une pièce de Arcade Fire. Mm-hmm. Il parlait de leur prochain album, dont on savait pas trop quand est-ce qu'il sort. En fait, la date est vraiment pas annoncée. C'est pas parce que Maxime le savait pas, c'est que c'est vraiment pas encore confirmé. Mais je suis tombé sur un article ici que j'ai trouvé sur... c'est un article de Julie Réaume sur Branchez-vous. Et Arcade Fire, leur album, en fait, c'est pour la fin de l'été. Il n'y a pas de date d'annoncer, c'est pour la fin de l'été. Mais ils sont en train, présentement, de préparer le tournage d'un court-métrage qui, j'imagine, devrait servir en même temps de... Ben, en fait, je sais pas si ça va être carrément un clip ou c'est vraiment juste la pièce à être utilisée comme trame pour ce court-métrage-là. Mais c'est Spike Jonze qui est en train de faire ce court-métrage-là. Spike Jonze qui a réalisé « Where the Wild Things Are ». Avec les marionnettes, là. Exactement, le film, il y avait, entre autres, une excellente trame sonore dont tout le monde a entendu parler. Avec la fille des Yeyeyes. Oui, il y avait aussi une pièce d'Arcade Fire qui était sur cette trame sonore-là. La pièce Wake Up qui datait de leur premier album, Funeral. Et on va écouter d'ailleurs cette pièce-là dans quelques instants, la pièce Wake Up de l'album Funeral d'Arcade Fire. Mais bref, tout ça pour dire que le réalisateur, Spike Jonze, le cinéaste, a choisi cette pièce d'Arcade Fire. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que la façon que c'est dit, c'est vraiment comme lui qui a choisi la pièce pour faire un court-métrage. Donc, c'est pas vraiment le groupe qui cherchait un réalisateur pour faire leur clip. Okay. J'espère, en tout cas, que ça donnera quelque chose qui pourra servir de clip. Mm-hmm. Parce qu'en tout cas, ça risque d'être beau si c'est Spike Jonze. Et voilà. J'imagine. Okay. Donc, voilà, on va écouter tout de suite la pièce Wake Up d'Arcade Fire de leur album Funeral. Assemblage requis! Ça, c'est fou! Oh! Arcade Fire avec la pièce Wake Up, extrait de leur album Funeral. Et c'est ce qui termine l'émission L'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Oui, on se retrouve demain à partir de 15h avec une autre toute nouvelle édition de L'Assemblage Requis. Demain, on va voir Émilie Gauthier et sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Et aussi, comme d'habitude, bref survol des nouveautés musicales demain, puisque c'est mardi. Ce qui s'en vient tout de suite, c'est, à ce que j'ai entendu dire, une des dernières émissions à vie. On l'a entendu une couple de fois. Ouais, je pense que c'est, ouais, pas mal ça. Hein? Il en reste deux autres après celle de... Attends. Non, c'est ça, c'est... Ah, oh, t'as raison, on n'est pas mardi, on est lundi aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ah, non, mêlé non. Un peu le gars, hein? Parle de donne-moi le goût. On donne juste un congé la semaine passée, puis là, puis soudainement, on est rendu mardi. Complètement mêlé, Mathieu Plante. Et ça. Non, c'est donne-moi le goût qui s'en vient avec une de leurs dernières émissions à elles aussi. D'accord. Après, donne-moi le goût, c'est Crowdrock avec Simon à 18h. Et puis à 19h, c'est le voyage insolite. Il y a aussi à 22h, c'est au poil. Donc, encore une fois, demain à 15h. Bonne soirée. On se laisse avec une pièce du dernier album de Moussette, le Club Alpin. La pièce s'appelle Strobe. Strobe. C'est Strombant. Ça pourrait être notre nouveau mot, là, comme Schtroumpfant, là, ça. Non, ça pourrait être le nom des auditeurs. Ah, les Schtroubs, toi! Schtroubs. Ça aurait un gros sens. Ben, les requins! Les requins. Francis Martin, c'est comme vous voulez. Appelez-vous comme vous le voulez, tu sais. Vous pouvez vous appeler Guenon, ça vous tente. Manon Réaume. Appelez-vous les Manon Réaume. Non? Ça aurait du sens? C'est bien, hein? Comparer Manon Réaume et Guenon. C'est ça. C'est tout.